Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet 94.2, la radio de la musique, avec le GSA d'Arelia pour une émission spéciale Fête de la musique. Alors ici à Fadjet, on est le 21, il y a plein de monde dans les studios, tout le monde veut écouter de la musique. On va faire laisser rentrer les gens qui sont tout autour de nous pour venir s'exprimer et nous dire un petit peu ce qu'ils aiment comme musique. Bon, la Dream Team derrière la cabine à la réalisation, vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va, jingle! Alain, bonjour Alain! Bonjour Lionel. Tiens, on te connaît toi. Dis-moi, aujourd'hui c'est la fête de la musique. Donc, quel chanteur t'aimes bien toi? Bah, j'en aime beaucoup, mais le préféré c'est Claude François, le Lundi au Soleil. Voilà, alors on va écouter Claude François en version live dans Je vais à Rio. Merci Alain. Je vais à Rio de Janeiro, je prends ta balle, et nos 400 plus de briques, toutes sa balle. Carnaval, tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses scènes sédentaires. Et je suis riche de rêves comme le sol des gens pauvres de là-bas. Wow, wow, quand je souris, j'oublie le cri de Paris. Je vais à Rio de Janeiro et l'on se jette dans l'eau, dans le feu de l'océan que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que des frères dans le cœur. Beau, beau, quand tu souris, j'oublie le cri de Paris, je pars à Rio de Janeiro, je prends ta main, et nos cœurs sont plus de briques que toutes les savanes du carnaval. On s'en fait, on s'avance des millions de gens qui chantent dans nos têtes. On vient de fête, on se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Quand je souris, je m'avale au paradis. Je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main, et nos cœurs font plus de bruit que toutes les avales du carnaval. Oui, quand je souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio. Allez, un nouveau visiteur rentre dans le studio. Bonjour, comment vous appelez-vous? Adèle. Alors Adèle, dites-moi, aujourd'hui pour la fête de la musique, est-ce que vous avez un chanteur que vous aimez particulièrement bien? Ah, moi j'adore Alain Bachung. Ah, super. Ouais, il est super. Alors, moi je l'ai vu, enfin, il est passé en concert en 1980, la première fois à Nancy, c'était à la salle Poirel. J'ai été relié à la fin de son concert, et son tube de l'époque, c'était le premier, c'était Gabi ou Gabi. Donc on va écouter en live Gabi ou Gabi. Merci Adèle et bonne fête de la musique. Merci beaucoup, bonne fête. Je m'en foutis dans le milieu des alliés légaux, et je fais des pompes sur les restes d'un des cartes dont je dis bonjour. Bien que je me mouille, c'est ma dernière surprise, je partis, je m'écrase le nez. Je vais pas dormir. sanglots, ça fait frémir. Faut savoir que ça. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne. Eh bien, une nouvelle personne rentre dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Dorine. Dorine. vous êtes venue sur Fadjet pour la fête de la musique. Oui. Alors, dites-nous tout. Quel est votre chanteur préféré ? Alors, moi, c'est Daniel Balavoine. Alors, Daniel Balavoine, il est venu à Nancy aussi en 82. C'était son tout premier album. Il avait chanté le chanteur et tous ses titres de l'époque. C'était vraiment un super concert. C'était aussi à la salle Poirel. Alors, on va retrouver l'enregistrement de cette époque. Là, le voilà en live avec le chanteur. On se retrouve tout de suite. We'll be right back. Fadjet, c'est plus qu'une radio. On est toujours en direct dans les studios et dans les locaux de Fadjet. Une nouvelle personne rentre dans le studio. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jean-Paul. Jean-Paul, dites-moi, pour cette fête de la musique, un chanteur qui vous ferait plaisir, ce serait lequel ? Alors, un chanteur qui nous a quittés, qui fumait beaucoup, hein. Vous devinez qui c'est ? Oui. C'est... Oui. Oui, oui, Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Gainsbourg. Ah, eh bien, on va l'écouter lorsqu'il était venu à Nancy en 89. C'était au Parc des Expos et c'était un de ses derniers concerts, malheureusement. Et il avait chanté notamment cette magnifique chanson, La Javanaise. La voilà en live. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous hélas, avril, en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Être vécu sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous nous aimions le temps d'une heure. Allez, on continue notre émission. Une autre personne rentre dans le studio. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Arthur. Arthur, dites-moi. Aujourd'hui, c'est la fête de la... musique. Oui, et c'est l'été aussi. Alors, quel serait votre chanteur que vous aimeriez écouter ? Du Nougat, Claude Nougaro. Nougaro, eh ben on va le retrouver lors de son concert à Nancy au Parc des Expos en 1990 dans son titre qu'il avait relancé de nouveau et qui s'appelait Nougayork. Thank you. choc. Faut rentrer dans le dard, dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici, nous gagnons. Superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'âme, c'est le falacoque. À moins qu'on lascare, au détour d'un bloc, il s'ouvre une gare, me découple l'âme. Passons Jean Bon Bloc. Une nouvelle personne rentre dans le studio. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Ginette. Alors dites-moi Ginette, aujourd'hui c'est la fête de la... musique. Et dites-moi, quel est votre chanteur ou chanteuse préférée ? Eh bien je sais pas. Vous avez une petite idée ou vous avez peut-être J'hésite, un souvenir ? Parce que là j'ai écrit Solancy, mais ah, je ne sais pas super. Ce que c'est. Solancy, c'est un groupement de chanteurs qui était venu chanter en 93 à Nancy, au Zénith, qui regroupait Maxime Le Forestier, Michel Jonas, Alain Souchon, Francis Cabrel, Zazie, Catherine Lara, j'en passe et des meilleurs, qui avait fait un super tabac. C'est pour une association qui s'occupe des enfants atteints du sida ou de les mamans sont atteintes du sida. Les associations existent toujours. Et on va les écouter en live, comme lorsqu'ils étaient à Nancy, dans une chanson qui s'appelle, qui est Souchon, Foule Sentimentale. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donne envie d'autre chose. Allons-nous faire croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, des visions de nous dérisoires. Foule sentimentale, la soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens est triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est. Foule sentimentale, soif d'idéal, par les étoiles, les voiles, que les choses soient commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment nous parle, comment nous parle. En nous Claudia Schiffer, en nous Paul Lussulitzer, ravage à mon cœur. Du ciel des vagues, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, ma soif idéale, par les étoiles, les voiles, que les choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Foule sentimental. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Bonne ambiance dans les locaux de Fadjet, il y a plein de monde. Ah, une petite dame arrive, bonjour madame. Bonjour. Alors dites-moi, comment vous appelez-vous ? Shema. Shema, dites-moi Shema, est-ce que vous auriez pour ce jour de la fête de la musique une idée de chanson, de chanteur ou chanteuse que vous aimeriez écouter ? J'aimerais bien écouter, si tu veux m'essayer, de Florent Pagny. Eh ben on va essayer. Est-ce que je peux la dédier ? Est-ce que je peux leur faire un dédicace ? Oui, pour faites mon une fils dédicace. Eh ben je fais un dédicace pour mon fils Amine. Super. Merci. Amine, on te fait tous un gros bisou, plein de notes de musique, et on va écouter Florent Pagny, qui était venu il y a 2 ans au Zénith pour l'open air, et on l'a dans une de ses chansons les plus connues. Si tu veux m'essayer, on essaye, et on se retrouve après. Vu, hein. À toi qui marches longtemps, quand la pluie fait rare, quand partent les ans. La rue te vole tes nuits, quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui donnerait tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Et à toujours un poème pour le destin qui te blesse, quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi qui changes tant d'adresse, tu seras bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi pour partager l'ivresse et toutes les peines et les joies. Bienvenu chez moi. Tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Souvent les lèvres sont sèches et les portes sont closes, quand la ville s'endort, quand le corps est fatigué, quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que des barreaux solides comme unique décor, à ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors, et à toujours un soleil dans les larmes que tu verses, quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. Toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent, oh, sois le bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Sans or et sans promesse, j'ai tant à apprendre de toi. Oh, oh, bienvenu chez moi. Tu seras bienvenu chez moi. Plus que ce que tu crois, que ce que tu crois. Et si tu veux crier tes désirs, reste le même, je serai moi. Et si je plonge un jour, dis-moi, tu seras là, dis-moi. Bienvenue chez moi. Merci pour cette soirée. Maintenant, on se retrouve avec une autre personne qui vient de franchir le pas des studios. Vous appelez Patrick, c'est bien Patrick. Ça va Patrick? Ça peut aller. La journée est belle? Oui, bon. Impeccable. Alors dites-moi, quel chanteur aimeriez-vous écouter? Patrick Jonas. Patrick Jonas. Non, c'est Michel. On va l'appeler Michel, mais oui, c'est pas grave. Et on va l'écouter dans une chanson, bah, sans doute sa plus connue, parce qu'on est tous des joueurs de blues. Oui. Les aisselles des garages, même balader. Faire des courses sur Riverside, California, LA. Les mots qui s'échappent de ma bouche, c'est de l'anglais. I wanna go to Mama Gouche, my way. Rendez-vous 11h au studio. Je retourne au pays, demain je fais la valise. C'est le dernier jour aujourd'hui, alors on improvise. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, non, les mots, non, les mots, non, aucune importance dans cette circonstance. Mademoiselle, je t'aime, c'est l'amour, je connais, c'est la vie. Elle m'a dit je t'aime en français, oh j'aimerais lui dire moi aussi. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Écoutez Fadjet sur 94.2. On continue. Venez, madame, venez, venez, venez, venez. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Margot. Margot, dites-moi, pour la fête de la musique à Fadjet, est-ce que vous auriez un chanteur que vous aimeriez écouter une chanson ? Sting. Oh, Sting, le beau Sting. Avec ses beaux yeux bleus. Oh là là là là, Sting est venu l'année... Non, il y a 2 ans, lui. Il est venu à... En 2022, à l'Open Air. Et c'est ça. Et c'était fantastique. Oui. Les filles ont pleuré, les garçons ont chanté, tout allait très bien. On va l'écouter avec sa chanson, une des chansons les plus connues de lui et du groupe Police. C'était la dernière du spectacle où tout le monde s'est levé pour chanter « Every Breath You Take ». On écoute Sting et on se retrouve tout de suite. « C'est déjà la fin de notre émission spéciale en ce jour de la fête de la musique, mais nous allons la terminer en beauté avec la chanson française en live la plus longue de l'histoire. C'est Laurent Voulzy qui l'a chantée au Zénith de Nancy lors de son Zénith Tour en 94. Vous la connaissez tous par cœur, c'est Rock Collection. Et lorsqu'il l'avait fait en live, elle avait duré 18 minutes 23. Je vous remercie tous ceux qui ont participé, l'équipe de la Dream Team, Yves à la réalisation. Merci à tous d'avoir participé. Il va y avoir le Trésor Forme juste après qui va vous donner tous les endroits où on peut aller sur Nancy pour écouter de la musique. Bonne fête de la musique à tous. À toi Lolo, c'est parti pour ton Rock Collection. Ciao, bye bye à tous et bonne fête de la musique. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool. Sorti de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? appétit à rigoler devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça t'est pas, t'as qu'à te plaindre au dire l'eau. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient, et les Beach Boys chantaient un truc qui me colle. À Saint-Malo, des départs en maillot qui dansent chez Dix Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, et les radios chantaient un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Oh, oh, oh. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. C'est dingue avec un signe des Stones. Jésus est fringue, les loulous roulaient, et les loulous roulaient, et les cailloux chantaient, et les cailloux chantaient un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Don't you worry about what's on your mind. Oh my, I'm in no hurry, I for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Laissez-moi passer, je n'ai pas pied mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet. Je me lève tous les jours trop tard et je vis aux Champs-Élysées.